pas de raison. Je pousse un soupir et j'en veux au monde. C'est pas une satire ni une obsession, juste un problème à ma solution. Aurais-je un signe, une lumière, un sujet indigne ou bien trop fier? Je cherche encore, mais il est tard. Je vais m'endormir seul ce soir. Me défendrai, j'en suis obligée. Et si je bouge, je suis piégée. C'est un sacrilège de se tromper. Une paire de neiges dans un café. Était-ce un rêve ou bien un homme? C'est le matin et je papillonne. Il est parti, le petit bonhomme, l'idole de ma vie pour qui je frissonne. Avec le sourire, reviendra-t-il? J'ai tant à lui dire et c'est si subtil que pour une heure ou une nuit, il y a chaleur de mon lit. J'ai pas d'avenir, pas de raison. Je pousse un soupir et j'en veux au monde. C'est pas une satire ni une obsession, juste un problème à ma solution. Des hypothèses et des secondes, le temps me presse et grandit mon ombre. J'entends des voix qui est à moi, pousse des cris et commande mes pas. Marche, marche, petit soldat, c'est ta recherche et ton combat. C'est ton histoire, c'est tes péchés, c'est l'envie, l'espoir et la liberté. Marche, marche.